Chapitre 13. Capture d'une autruche, la vanille, le forbe et les œufs d'autruche. Au lever du jour, j'éveillais les enfants pour commencer les préparatifs de départ. Nos occupations tiraient à leur fin. La chair d'ours était fumée, la graisse préparée et renfermée dans des tiges de bambou. D'ailleurs, la saison des pluies approchait et nous ne nous soucions pas de l'attendre à une pareille distance de notre demeure et de toutes nos ressources. Je ne voulais pas non plus renoncer aux œufs d'autruche ni à ma gomme d'euphorbe. Et malgré la distance, il était facile de rapporter tout cela en faisant la route à cheval, ce qui nous épargnait la moitié du temps. C'est par suite de cette résolution que je fis mettre tout le monde sur pied, et bientôt, munis des provisions nécessaires, nous nous mîmes en route pour l'expédition projetée. Pour cette fois, Fritz m'avait prêté sa monture, et il avait pris notre jeune âne. Ernest demeura près de sa mère, à laquelle il pouvait être d'un plus grand secours que le petit Franz. Nous leur laissâmes aussi les jeunes chiens Brown et Falb, après quoi la petite caravane se mit en route pleine de confiance et d'ardeur. Nous suivions de nouveau le cours de la vallée, comme dans notre première expédition, mais dans la direction contraire. Nous ne tardâmes pas à rencontrer l'étang aux tortues, dont nous profitâmes pour remplir nos calebasses, et nous atteignîmes bientôt le champ des Arabes, nom que je donnai par dérision à la hauteur du sommet de laquelle nous avions pris les autruches, pour des cavaliers du désert. Jack et Franz partirent en avant et je les laissai faire, en songeant que dans cette plaine immense, j'étais sûr de ne pas les perdre de vue. Je résolus même de faire une halte avec Fritz pour ramasser la gomme d'euphorbe que j'avais préparée dans notre première expédition et que les rayons du soleil devaient avoir suffisamment desséchée. Nous nous mîmes donc en devoir de visiter les tiges environnantes et de déposer la précieuse liqueur dans une tige de bambou apportée à cet effet. Ma prévoyance fut récompensée par une abondante récolte, car les tiges se trouvaient pleines de suc et mes entailles avaient été pratiquées avec autant de soin que d'intelligence. « C'est une plante très vénéneuse, » dis-je à Fritz. « Je compte l'employer en cas d'attaque sérieuse de la part des singes sur nos plantations. » Et à toute extrémité, j'essaierai d'empoisonner leurs eaux, malgré toute ma répugnance pour ce cruel moyen. C'est aussi une recette infaillible contre les insectes qui pourraient s'introduire dans notre cabinet d'histoire naturelle. Mais je me garderai bien de propager une plante aussi dangereuse dans les environs de notre demeure. Notre récolte terminée, nous remontâmes à cheval pour suivre les traces de nos éclaireurs. Ils étaient déjà enfoncés dans la savane et nous avions de la peine à les distinguer. Selon nos conjectures, ils devaient se trouver dans le voisinage du nid d'autruche et s'en approcher par derrière afin de rabattre les oiseaux de notre côté s'ils se trouvaient sur leur nid. Car on sait que chez l'autruche, le mâle partage avec la femelle le soin de couver les œufs et que souvent plusieurs femelles réunissent leurs œufs dans un seul nid qu'elles couvent alternativement. Fritz, qui avait résolu de prendre vivante la première autruche qu'il rencontrerait, avait eu la précaution de garnir de coton le bec de son aigle afin de n'avoir pas à redouter une catastrophe pareille à celle qui avait ensanglanté notre première chasse. Je lui avais rendu sa monture, plus propre que notre ânon à la poursuite de l'autruche. Nous nous portâmes chacun de notre côté à une certaine distance du nid, attendant avec impatience le moment d'agir. Quelques instants s'étaient à peine écoulés lorsque je vis plusieurs masses vivantes sortir du taillis dans le voisinage immédiat du nid et se diriger vers nous avec une extrême rapidité. Nous demeurâmes si fermes que les pauvres animaux ne nous aperçurent pas ou du moins nous crurent moins dangereux que les chiens déjà sur leurs traces. Leur course était tellement rapide que bientôt nous reconnûmes un mâle qui avait fait partie de la troupe antérieure ou qui avait remplacé celui dont la mort nous causait tant de regrets. Il devint aussitôt le but de nos poursuites. Les femelles étaient au nombre de trois et elles marchaient immédiatement sur ses traces. Lorsqu'il fut à une portée de pistolet, je lui lançai mon lasso, mais avec tant de maladresse qu'au lieu d'atteindre une cuisse ou une jambe, il alla frapper l'extrémité des ailes où il s'embarrassa à la vérité, mais sans retarder la fuite de l'animal qui, effrayé de cette brusque attaque, changea subitement la direction de sa course. Les femelles se dispersèrent à droite et à gauche, mais nous les abandonnâmes à leur fortune pour courir sur les traces du mâle. Jack et Franz s'élancèrent de leur côté pour aller presser Fritz de donner le signal décisif. Celui-ci lâcha son aigle, qui commença par planer au-dessus de l'autruche, sans faire mine de l'attaquer. L'approche de ce nouvel ennemi acheva de dérouter le pauvre animal qui se mit à courir çà et là, sans suivre désormais aucune route, de manière que nous eûmes le temps de l'approcher. Dans ce moment, l'aigle planait si bas que ses ailes touchaient presque la tête de l'autruche. Jack prit son temps et lança son lasso avec tant de bonheur qu'il atteignit la jambe du fuyard. L'animal tomba et sa chute fut suivie d'un cri de victoire. Nous arrivâmes à temps pour écarter l'aigle et les chiens et pour empêcher le prisonnier de se débarrasser de ses liens. Cependant, les efforts désespérés de l'autruche pour dégager ses jambes nous faisaient craindre qu'elle ne parvînt à rompre ses liens et à nous échapper. Nous n'osions l'approcher de ce côté, mais elle n'était guère moins terrible de l'autre, à cause de ses formidables coups d'aile. La position devenait critique. Nous regardions en silence ces terribles moyens de défense contre lesquels nos efforts devenaient inutiles, puisque la première condition était de ne pas blesser l'animal grièvement. Enfin, j'eus l'heureuse idée de jeter mon mouchoir sur sa tête et de le lui attacher fortement autour du cou. Alors nous eûmes beau jeu, car aussitôt que l'autruche eut perdu l'usage de ses yeux, elle se laissa lier et garrotter sans résistance. Nous commençâmes par lui attacher les jambes et les pieds, de manière à lui laisser la liberté de marcher sans lui permettre de courir. Ensuite, je lui entourai le corps d'une large ceinture de peau de chien de mer qui lui emprisonnait les ailes. Malgré tout, Fritz élevait encore des doutes sur la possibilité d'apprivoiser l'animal et de l'employer à des travaux utiles. « Moi, tu as donc oublié comment les Indiens s'y prennent pour apprivoiser leurs éléphants ?»« Franz, non sans doute, ils l'attachent entre deux éléphants apprivoisés, après lui avoir fortement lié la trompe pour lui enlever toute défense. Et alors il faut bien que le prisonnier obéisse, car s'il fait le récalcitrant, ses deux chefs de file tombent sur lui à coups de trompe, tandis que les cornacs le frappent sans relâche de leurs épieux derrière les oreilles. Jack, alors il faudrait avoir deux autruches apprivoisées pour appliquer le même système à notre prisonnier, à moins de l'attacher entre Fritz et moi, ce qui serait une mauvaise ressource. Moi, pourquoi faudrait-il nécessairement deux autruches pour en dompter une troisième? N'avons-nous pas d'autres animaux aussi forts? Pourquoi Sturm et Brummer ne feraient-ils pas l'office de chef de file? Et Jack et Franz, celui de Cornac. Mais il faut avoir la précaution d'attacher fortement les jambes de notre prisonnier. Les trois enfants firent un saut de joie en s'écriant. Voilà un moyen excellent. Il ne peut manquer de réussir. Je me mis alors en devoir de passer sous les ailes de l'autruche deux nouvelles courroies, moins fortes que la première et assez longues pour qu'en les tenant par l'extrémité, on ne courût aucun risque d'être atteint. La première fut passée dans les cornes de Brummer et la seconde dans celle de Sturm. Mes deux jeunes cornacs reçurent l'ordre de prendre place sur leur monture et de se montrer attentifs, car je m'étais mis en devoir de délivrer l'animal des deux lacets et du voile qui le privait de l'usage de ses yeux. Double entreprise qui me réussit au-delà de toute attente. La chose faite, je m'éloignai prudemment par un saut de côté et nous commençâmes à observer avec anxiété les mouvements ultérieurs de l'animal abandonné à lui-même. Il commença par demeurer à terre sans mouvement, ne semblant vouloir faire usage de sa liberté que pour promener autour de lui des regards effarés. Tout à coup, nous le vîmes sauter sur ses pieds, espérant prendre la fuite sans obstacle. Mais la violence de son effort le fit retomber sur ses genoux. Toutefois, il ne tarda pas à se relever et à renouveler sa tentative, quoique avec plus de prudence. Mais ses deux gardiens étaient trop vigoureux pour se laisser ébranler. Alors, l'autruche voulut essayer la violence. Elle commença à frapper l'air à droite et à gauche. Mais ses ailes étaient trop courtes et d'ailleurs trop embarrassées dans leurs liens pour que l'entreprise lui réussît. Au bout de quelques instants, elle retomba sur la poitrine. Un vigoureux coup de fouet l'ayant remise sur pied, elle essaya de se retourner et de prendre la fuite par derrière. Mais cette dernière tentative ne fut pas plus heureuse que les précédentes. Voyant toute résistance inutile, le pauvre animal se résigna à reprendre son chemin au grand trot, suivi de ses deux gardiens qui surent si habilement épuiser ses forces qu'elle se mit bientôt d'elle-même à une allure modérée. Jugeant alors que le moment favorable était venu, j'ordonnai aux deux Cornac de se diriger vers le champ des Arabes, pendant que Fritz et moi, nous nous rendions au nid pour faire une reconnaissance et choisir les œufs que nous voulions rapporter. J'avais fait les préparatifs pour cette opération, et nous avions deux grands sacs avec du coton afin d'y mettre notre butin en sûreté jusqu'à l'habitation. Je ne tardai pas à reconnaître notre croix de bois qui nous guida droit au nid. Nous n'étions plus qu'à quelques pas lorsqu'une femelle en sauta si brusquement qu'elle ne nous laissa pas le temps de l'attaque. Mais sa présence était un signe certain que le nid n'avait pas été abandonné depuis notre dernière visite, et nous n'en fûmes que plus empressés à nous saisir des œufs, espérant que dans le nombre il s'en trouverait de vivants. Nous en choisîmes donc une douzaine sans déranger le reste, dans l'espoir que les couveuses retourneraient au nid après notre départ. Nous nous hâtâmes d'emballer notre butin avec les plus grandes précautions, et après avoir chargé les sacs sur nos montures, je me mis en devoir d'aller gagner le rendez-vous où les dompteurs d'autruches devaient nous attendre. Trouvant alors la journée suffisamment remplie, je donnai le signal du retour et nous eûmes bientôt regagné notre demeure. Ernest et sa mère ouvrirent de grands yeux à la vue de notre nouveau prisonnier et la surprise leur ferma la bouche pendant quelques minutes. « Ma femme, au nom du ciel, quelle nouvelle hôte amenez-vous là? Qu'allons-nous faire d'un pareil compagnon et à quoi cela nous servira-t-il? » Jack, d'abord c'est un excellent coureur. Et s'il est vrai que cette contrée tienne au continent africain ou asiatique, il me faudra peu de jours pour arriver à la première colonie européenne où je saurai bien tout préparer pour notre délivrance. Je propose donc que l'on appelle le nouveau venu Brausewind, vent impétueux. C'est un nom qu'il ne tardera pas à mériter. Et toi, Ernest, je te céderai mon bucéphale aussitôt que celui-ci sera en état d'être monté. Moi, quant à toi, ma chère femme, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de la nourriture de notre hôte. La terre y pourvoira, et j'espère qu'on ne pourra lui reprocher de nourrir une bouche inutile. C'est un compagnon qui gagnera son pain, je t'en réponds, s'il se laisse une fois apprivoiser. Franz, cher père, voici Jack qui s'empare déjà de l'autruche, comme si nous n'avions pas concouru à sa capture, moi avec mes jambes et Fritz avec son aigle. Moi, alors il faut partager l'oiseau entre les chasseurs. Je réclame le corps pour ma part. Fritz aura la tête, Jack les jambes. Quant à toi, mon pauvre petit, on t'accordera le droit de porter deux plumes de la queue, car c'est par cette partie que tu as saisi l'animal lorsqu'il est tombé sous nos coups. Franz. Ah, papa, j'aime mieux renoncer à mes plumes, pourvu que l'oiseau reste entier. Moi. Alors j'abandonnerai également mes prétentions pour ne pas être cause du partage de l'animal. Fritz. Et moi j'en ferai de même, si Jack veut s'accommoder de l'oiseau tout entier. Jack, grand merci de votre générosité. Alors la pauvre bête est sauvée, car les jambes m'appartenaient déjà, et je suis peu disposé à les couper. Maintenant, Franz devrait suivre votre exemple et m'abandonner ses plumes. Franz, très volontiers, car je vois qu'on s'est moqué de moi. Il faut bien que l'autruche appartienne à quelqu'un en entier. Moi, voilà une sage résolution, dont Jack tire tout le profit. La mère eut alors le récit détaillé de notre merveilleuse capture, et Ernest, dont la brillante imagination était en travail depuis une heure, finit par se faire un tableau si romantique de cette mémorable journée qu'il s'écria les larmes aux yeux « Ne serai-je donc jamais là dans les occasions où il y a du plaisir et de la gloire à gagner ?»« Moi, on ne peut pas avoir tous les avantages à la fois. Tu n'es pas grand amateur des scènes guerrières et sous ce rapport, il faut avouer que tu le cèdes à tes deux frères. Mais d'un autre côté, on ne peut te refuser un mérite non moins important, c'est celui d'aimer l'instruction et d'être en bon chemin d'y arriver. Il s'est déjà rencontré plus d'une occasion pour nous de mettre à profit tes connaissances en histoire naturelle, et peut-être es-tu destiné à devenir notre interprète si la Providence envoyait un navire étranger sur ses côtes. Comme il était trop tard ce jour-là pour songer au retour, il fallut s'occuper de notre prisonnier et lui préparer un gîte pour la nuit. L'opération ne fut pas longue, car je me contentai de le faire attacher entre deux arbres dans le voisinage de la grotte. Le reste du jour fut destiné à employer nos provisions et nos nouvelles découvertes. Nous ne voulions rien abandonner, tant l'homme a de la peine à renoncer aux richesses nouvellement acquises et dont son imagination lui représente vivement les avantages futurs. Le lendemain matin, de bonne heure, nous reprîmes le chemin de l'habitation. Mais il fallut bien de la peine et bien des efforts pour décider l'autruche à se mettre en route. Nous n'en vîmes un bout qu'en lui jetant un voile sur la tête, comme la veille. Elle fut attachée de nouveau entre ses deux gardiens, dont l'un marchait devant et l'autre derrière, de manière à lui rendre impossible tous efforts pour s'écarter de la ligne droite. Une longue corde les attachait tous trois au timon du chariot, où figurait notre magnifique vache en qualité de timonier. Ernest était sur son dos, et ma femme dans le chariot. Quant à moi, je montais la Hechtfuss et Fritz le jeune ânon, de sorte que nous formions une caravane bizarre, mais généralement bien montée. Nous fîmes halte près de l'écluse pour donner le temps aux enfants de reprendre leurs plumes d'autruche, et en même temps pour faire une provision de cette terre à pipe, dont nous devions la découverte à ma femme. La plante rampante qu'elle avait prise pour une espèce de fève se trouva être un pied de vanille qui donne ce parfum si recherché dans nos climats. Les gousses, longues d'un demi-pied, renferment un certain nombre de graines noires et brillantes qui répandent une odeur délicieuse lorsque les rayons du soleil ont achevé leur maturité. Avant de quitter ce lieu, je fermai de nouveau le passage à l'aide d'une barrière de bambou fortement fixée aux deux extrémités et qui nous parut presque impénétrable. Pour plus de précaution cependant, je fis joncher la terre de branches à une certaine distance dans l'intérieur de la vallée afin que nos légers prisonniers ne rencontrassent pas un terrain solide s'ils leur prenaient fantaisie de franchir d'un bond notre impuissante muraille. Enfin, comme le sable ne portait aucune trace récente qui indiquât l'évasion des antilopes ou des gazelles, nous prîmes la précaution d'effacer nos propres traces afin d'être avertis du passage des animaux qui pourraient à l'avenir s'échapper de la vallée ou s'y introduire par cette voie. Puis, la caravane reprit lentement sa route, afin d'atteindre au moins la ferme avant l'obscurité, puisqu'il était devenu impossible de pousser plus loin ce jour-là. En passant près de la plantation de canne à sucre, je fis ramasser la chair des pécaris qui se trouvait parfaitement conservée. Nous n'oubliâmes pas non plus de nous pourvoir d'un certain nombre de cannes et nous poursuivîmes notre route au clair de la lune, malgré ma répugnance habituelle pour les marches de nuit. Nous arrivâmes très tard et accablés de fatigue. Le chariot fut dételé à la hâte et l'autruche attachée comme la veille entre deux arbres. Puis, après un léger repas, chacun s'en alla s'étendre sur son lit de coton pour y chercher le repos dont il avait si grand besoin. En nous levant, nous vîmes avec plaisir que les couveuses avaient heureusement accompli leur tâche. L'une conduisait les poussins domestiques et l'autre les poussins sauvages dont Jack avait rapporté les œufs dans la cabane. Dans cette dernière couvée, nous remarquâmes quelques oiseaux d'une espèce inconnue en Europe que ma femme manifesta le désir d'emporter à l'habitation. Nous nous occupâmes alors du déjeuner pour reprendre ensuite la route de notre demeure dont nous n'approchions pas sans émotion après une si longue absence. Marchant donc sans prendre de repos, malgré la chaleur qui commençait à devenir insupportable, nous arrivâmes avant midi à notre habitation pour ne plus nous en éloigner de longtemps. Chapitre 14. Éducation de l'autruche. L'hydromel, la tannerie et la chapellerie. Aussitôt après notre arrivée, le premier soin de ma femme avait été de faire ouvrir toutes les fenêtres. Ensuite, il fallait nettoyer, laver et balayer. Les deux cadets aidaient leur mère, tandis que les aînés travaillaient avec moi à déballer nos richesses. L'autruche eut son tour. Délivrée de ses deux gardiens, elle fut attachée, sur le devant de la maison, entre deux colonnes de bambou qui soutenaient le toit de la galerie. Elle devait rester à cette place jusqu'à la fin de la nouvelle éducation. Les œufs d'autruche subirent l'épreuve de l'eau tiède. Ceux que nous trouvâmes vivants furent placés dans un four sur une couche de coton et à côté d'un thermomètre, afin de les maintenir à la température convenable. Cinq seulement résistèrent à l'épreuve, le reste avait péri pendant le voyage. Les lapins angora, peignés avec soin, nous donnèrent une petite provision de duvet pour notre manufacture de chapeaux. Ils furent ensuite transportés dans l'île aux requins, qui ne devait pas demeurer longtemps déserte avec de pareils habitants. Dans la suite, nous leur construisîmes des demeures souterraines, d'après un plan qui put nous livrer les habitants sans défense lorsque nous aurions besoin de leurs trésors. Par surcroît de précaution, j'établis à l'entrée de leur demeure une espèce de grillage disposé de manière à s'emparer chaque jour du superflu de leur toison que nous venions ensuite recueillir sans peine et sans effort. Bien malgré moi, j'assignai pour ces jours aux antilopes l'île aux requins, car notre désir eût été de les garder près de l'habitation si nous n'eussions craint pour elles la gueule de nos chiens et des autres animaux de la maison. Il était à craindre aussi que la perte de leur liberté ne leur occasionnât quelque maladie mortelle, tandis que dans leur nouvelle demeure, aucun accident de ce genre n'était à redouter. Nous leur construisîmes un gîte où elles pouvaient se retirer à leur gré et où nous apportions une provision de foin et d'herbes fraîches à chacune de nos visites. Enfin, une paire de tortues de terre qui nous restait après la distribution que nous en avions faite à la ferme, reçut pour demeure l'étang aux canards. J'avais songé d'abord à les garder dans le jardin pour le purger des limaçons et des insectes qui l'infestaient. Mais lorsque ma femme apprit que ces petits animaux étaient aussi grands amateurs de choux et de salades, elle s'opposa fermement à mon projet en remarquant qu'ils dévoreraient précisément ce qu'ils étaient chargés de défendre. Deux de nos tortues étant mortes dans le voyage, je mis leurs coquilles à part pour les utiliser en temps et en lieu. Jack, qui était chargé de porter les autres à l'étang, accourut bientôt chercher Fritz, et tous deux, armés d'un long bambou, se dirigèrent vers l'étang à toutes jambes. Je pensai d'abord qu'il s'agissait de quelque combat contre les grenouilles, mais je ne tardai pas à les voir reparaître, portant un défilé d'Ernest où se débattait une belle anguille. Ils me racontèrent alors qu'ils avaient trouvé les autres filets vides et déchirés. D'où je conclus que quelques gros poissons avaient réussi à s'en échapper en rongeant les mailles. Mais nous nous consolâmes facilement de cette perte avec l'excellent échantillon qui nous était resté. Ma femme nous en prépara une portion. Le reste fut mis dans la saumure et conservé à la manière du lion mariné. Quant au poivre et à la vanille, je les fis planter au pied des colonnes de bambou qui soutenaient la galerie, avec l'espérance de les voir bientôt s'élever en espalier. En plaçant près de nous ces plantes précieuses, il nous était d'autant plus facile de leur donner les soins nécessaires pour obtenir une abondante récolte. Quant à notre provision de graines de poivre et de gousses de vanille, ma femme se chargea de la mettre en sûreté, et bien que nous fussions généralement peu amateurs d'épices, je résolus d'en mêler désormais au riz, au melon et surtout aux légumes, parce que je savais que dans les climats chauds, leur usage est indispensable pour fortifier l'estomac et faciliter la digestion. La vanille ne pouvait nous être d'un grand usage pour le moment présent, parce que le cacao nous manquait, mais je ne voulais pas la négliger, comme pouvant devenir plus tard un article de commerce. Les jambons d'ours et de pécari, ainsi que les barils de graisse, furent confiés aux soins de ma femme pour être conservés dans le garde-manger. Nous avions maintenant de quoi défier la famine pour longtemps, mais ma femme nous déclara qu'à l'avenir, on ne goûterait pas à la crème ni au beurre frais, attendu qu'elle en voulait faire une provision et la mêler avec la nouvelle graisse afin de ménager les richesses que nous venions de rapporter. Il fallut se résigner, en soupirant, à cette rigoureuse interdiction. Je fis placer les peaux d'ours sur le rivage, dans l'eau de la mer, en prenant la précaution de les charger de pierres, afin que la mer ne les emportât pas en se retirant. La couveuse et ses poussins furent placés sous une cage à poulets, et on résolut de les nourrir avec des œufs hachés et de la mie de pain jusqu'à ce qu'ils fussent apprivoisés. J'eus soin de les faire placer sous nos yeux, de peur que Maître Knips ne s'avisât de tenter sur eux quelque expérience de physique ou d'anatomie. Plus tard, j'espérais pouvoir les réunir, sans inconvénient, au reste de la basse-cour. Le condor et l'urubu prirent leur place dans le musée comme des trophées de nos victoires, en attendant que la saison des pluies nous permit de les préparer plus à notre aise pour en faire un digne pendant du fameux boa. Quant au talc amiante et au verre fossile, je les fis porter dans l'atelier aussi bien que la terre à porcelaine, car j'espérais tirer de ces précieux matériaux une utilité réelle et pratique. L'amiante devait nous fournir des mèches incombustibles pour nos lampes et le verre fossile d'élégants carreaux de vitre, et je voyais déjà la porcelaine prendre sous ma main mille formes aussi variées qu'agréables. Toutes les provisions de bouche furent confiées à la garde spéciale de ma femme, mais je conservais la gomme d'euphorbe sous ma surveillance particulière et je l'enfermais dans un sac de papier avec l'étiquette « poison » afin de prévenir toute méprise funeste à son égard. Enfin, les pots de rat castor furent réunis en un paquet et exposés à l'air sous le toit de la galerie afin que l'intérieur de l'habitation ne fût pas empesté de leur désagréable parfum. Tous ces travaux terminés, j'aperçus enfin quelle source de richesse nous avions rencontrée dans cette dernière expédition, car il nous en avait coûté 2 jours seulement pour ranger et disposer nos nouvelles acquisitions. À cette pensée, il me fut impossible de retenir une exclamation involontaire, et je m'écriai « Divine Providence, nous voilà riches à présent !» Jack était d'avis que les découvertes, la chasse, le pillage sont les plus belles choses du monde, mais que l'ordre, le soin et le travail sont des qualités inutiles. Ernest, au contraire, avec son flegme stoïcien, pensait que toutes nos richesses ne nous rendraient pas plus heureux qu'auparavant et que pour sa part, il aimait beaucoup mieux rester assis à lire dans un coin, sans peine et sans travail, que de partager les découvertes et les œuvres des autres. Je répondis à Jack que la vie de l'homme ne doit pas être un tableau mouvant d'aventures et de découvertes sans cesse renaissantes, mais un foyer d'activité modérée et un sage emploi des bienfaits de la nature. Et je fis remarquer à Ernest combien une vie inactive peut devenir funeste en anéantissant les plus nobles facultés de l'homme et combien il est dangereux de chercher un asile dans le monde idéal contre les inconvénients du monde réel. La préparation d'un champ pour recevoir la semence était la pensée qui me préoccupait le plus vivement. Il fallait aussi nous occuper sans délai de celles de nos opérations qui ne pouvaient souffrir de retard, comme l'éducation de l'autruche et le tannage des peaux d'ours. Le labourage nous donna de grandes peines, et je sentis alors combien il avait fallu d'éloquence et d'efforts aux premiers législateurs pour accoutumer les peuples pasteurs à ce pénible travail. Cette fois, nous défrichâmes environ un arpent qui fut partagé en 3 portions égales pour recevoir le froment, l'orge et le maïs. Quant à nos autres grains, je les fis semer, çà et là, dans diverses pièces de terre, persuadé qu'il ne réussirait pas moins bien dans ce fertile climat. Je fis aussi de nouvelles plantations au-delà du ruisseau du Chacal, l'une de pommes de terre et l'autre de manioc. La dernière excursion de nos buffles avait achevé de les façonner aux joues et la charrue remplissait admirablement ses fonctions. Toutefois, dans les lieux où la terre demandait à être remuée plus profondément, le travail était pénible et nous comprîmes alors le sens de cette redoutable parole. « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » La pénible tâche du labourage nous occupait 2 heures le matin et 2 heures le soir. Pendant les intervalles de notre travail, la pauvre autruche était soumise à bien des tribulations. Chaque fois que l'on s'occupait d'elle, c'était pour l'enivrer de fumée de tabac jusqu'à ce qu'il lui devint impossible de se tenir sur ses jambes. Une fois étendue à terre, un des enfants la montait pour l'habituer au poids de l'homme. Elle avait une litière de roseaux et ses liens étaient assez lâches pour lui permettre de faire le tour de sa prison. Sa nourriture habituelle était la pomme de terre, le riz et le maïs. Les dattes lui étaient particulièrement agréables. Je n'oubliais pas non plus de placer près du râtelier une provision de petits cailloux parce que j'avais lu que l'autruche a coutume d'en faire usage pour accélérer la digestion. Pendant 3 jours, le prisonnier ne voulut toucher à rien. Et cette obstination épuisa tellement ses forces que nous commençâmes à craindre pour sa vie. Alors la bonne mère nous prépara une bouillie de maïs et de beurre frais que je me chargeai d'introduire dans le bec du patient. Après 2 ou 3 repas de ce genre, l'animal reprit des forces et son naturel parut avoir subi une révolution complète, car à partir de ce jour, ses habitudes sauvages disparurent pour faire place à une sorte de curiosité inquiète tout à fait comique. Après avoir gémi de l'abstinence de notre nouvel hôte, nous finîmes par concevoir des inquiétudes sur sa voracité. Nos petits cailloux lui servaient de pilules digestives, et toute la provision ne tarda pas à disparaître. Pour sa nourriture, Brausewind semblait préférer les glands et le maïs, et sa gourmandise le rendit bientôt docile à toutes nos volontés. Après 10 à 12 jours, nous crûmes pouvoir délivrer l'animal de ses liens et lui permettre la promenade au bout d'une longe. Alors commença une éducation dans toutes les règles. Nous habituâmes notre prisonnier à recevoir des fardeaux, d'abord légers, puis de plus en plus pesants, à s'agenouiller et à se relever au commandement. Bientôt il fut dressé à tourner à droite et à gauche, au pas, au trot et au galop, avec Jack ou Franz sur son dos. Comme il lui arrivait souvent de se montrer rétif ou indocile, nous prîmes le parti de lui couvrir la tête d'un voile imprégné de fumée de tabac. Ce dernier expédient l'amena bientôt à une docilité complète. Au bout d'un mois, l'autruche était si parfaitement apprivoisée qu'il fallait songer à son équipement. Je commençai par lui faire une nouvelle ceinture plus commode qui lui entourait le corps sans gêner le mouvement des ailes ni des cuisses. Au-dessous de chaque aile passait une forte courroie destinée à attacher l'animal au chariot ou à lui fixer son fardeau sur les épaules. Il fallait maintenant un mors et une bride, et cette pensée m'embarrassait fort, car j'étais obligé de travailler sans modèle. Toutefois, comme j'avais observé le pouvoir que nous exercions sur l'animal en le privant de l'usage de ses yeux, j'inventai une espèce de chaperon qui venait s'attacher sous le cou par deux légers anneaux de laiton, et l'appareil se rabattait à volonté sur les yeux et sur les oreilles. Le conducteur faisait retomber le chaperon d'un côté ou de l'autre, selon qu'il voulait laisser à l'oiseau l'usage de l'œil droit ou de l'œil gauche pour le diriger à gauche ou à droite. Pour arrêter l'animal, il suffisait de faire retomber à la fois les deux côtés de l'appareil. Mon harnais n'était pas des plus simples, et il n'eut pas d'abord tout l'effet que j'en attendais. Mais avec quelques additions et de légers changements, nous vîmes à bout de notre entreprise, non sans peine cependant. Il nous fallut un long exercice pour nous accoutumer à l'usage d'un appareil aussi étrange et aussi compliqué, car à chaque instant, il nous arrivait d'oublier à qui nous avions affaire et de vouloir guider l'autruche comme un cheval, ce qui ne réussissait pas le moins du monde. Il s'agissait maintenant de lui fabriquer une selle, entreprise difficile, et qui, au cap de bonne espérance, m'eût infailliblement mérité un brevet de sellier pour autruche. Je n'entreprendrai pas une description détaillée de mon œuvre. Il suffira de dire que la selle était fixée autour de la poitrine par une sangle qui allait rejoindre les deux courroies des ailes. J'avais eu soin de la rembourrer solidement et de la garnir sur le devant et sur le derrière afin de prévenir les chutes. À la honte du noblard de l'équitation, ma selle avait une solide poignée pour passer la bride et se retenir avec les mains si l'occasion l'exigeait. Au bout de peu de temps, le rôle de cheval de course devint si familier à notre autruche, grâce à nos patientes leçons, qu'à partir de ce moment, elle devint véritablement digne du noble nom de Brausewind. Elle faisait la route de Falkenhorst dans le tiers de temps qu'il aurait fallu à un cheval ordinaire, rapidité dont je me promis de grands avantages pour l'avenir. Il ne m'en coûta pas peu d'efforts pour maintenir le propriétaire de l'animal en paisible possession de sa conquête, car ses frères ne pouvaient s'empêcher de regarder son bonheur avec envie, et il fallut mon intervention paternelle pour maintenir notre premier arrangement. Ils se vengèrent bien de la préférence en faisant tomber sur le pauvre Jack un feu roulant de raillerie. « Regardez-le » s'écriaient-ils aussitôt qu'il se mettait en selle. « Vous allez le voir s'élever dans les airs, pourvu qu'il ne perde pas sa valise ou sa tête. » Mais le cavalier endurait patiemment toutes les plaisanteries, pourvu qu'on le laissât paisible possesseur de sa monture. Et il se pavanait fièrement devant les railleurs, se donnant le nom pompeux de notre courrier d'État. Peu de jours avant l'entier équipement de notre nouvelle monture, Fritz m'avait apporté à trois reprises différentes une jeune autruche éclose dans le four. Les autres œufs n'avaient pas réussi, et un des petits ne demeura qu'un jour en vie. Ceux qui survécurent présentèrent pendant les premiers jours un spectacle bizarre, avec leur robe grisâtre et leurs longues jambes chancelantes. Je les fis nourrir avec de la bouillie de maïs et des glands doux, après ne leur avoir donné pendant deux jours que des œufs hachés et de la cassave bouillie dans du lait. Au milieu de tous nos travaux, la préparation des peaux d'ours n'était pas négligée. Nous commençâmes par les nettoyer avec un racloir de fer que j'avais fait d'une vieille lame de couteau. Je les mis ensuite mortifiés dans le vinaigre de miel afin de les rendre plus durables, et en même temps afin d'obtenir une fourrure plus épaisse. Nos abeilles de Falkenhorst nous avaient déjà donné 2 tonnes de miel dont nous ne savions que faire. Je songeais à en composer de l'hydromel, travail dans lequel la bonne mère se trouva bientôt plus habile que moi. La préparation consistait à faire bouillir le miel dans un certain volume d'eau et à l'écumer. Puis nous versâmes la liqueur dans 2 tonneaux où nous la fîmes fermenter avec de la farine de seigle. Je remplis ensuite un petit sac de noix de muscade, de cannelle et de feuilles de ravensara pour donner un parfum à la liqueur. Mais n'ayant pas grande confiance dans cet essai, je laissai l'une des tonnes sans mélange. Lorsque la lie fut tombée et le liquide éclairci, je fis vider la première tonne dans de plus petits vases de bambou purifiés par des fumigations de soufre pour empêcher la seconde fermentation. Ayant préalablement goûté la liqueur, nous la trouvâmes si agréable que nous résolûmes à l'instant de faire du vinaigre avec la seconde tonne en en conservant seulement quelques bouteilles pour mettre un peu de variété dans notre boisson. Elle fut donc mise de nouveau en fermentation par le même procédé, et au bout de peu de jours, nous avions une provision d'excellent vinaigre. La bonne mère en mit une partie en bouteille pour les usages domestiques, et le reste me servit pour la préparation de mes peaux d'ours. Au bout de 2 jours, lorsqu'elles me semblèrent suffisamment mortifiées, je les retirai du vinaigre pour les laver une seconde fois. Quand je les vis à moitié sèches, je me mis en devoir de les humecter avec de l'huile de baleine, après quoi il ne resta plus qu'à les fouler jusqu'à ce qu'elles nous parussent avoir acquis la souplesse nécessaire. Nous nous servîmes pour les polir de morceaux de peau de requin et d'une pierre tendre dont nous avions fait la découverte. Elles sortirent de l'atelier sans un pli, délivrées de toute mauvaise odeur, et le poil parfaitement intact, si bien que j'eus tout lieu de me réjouir du succès de notre long travail. Pendant ces occupations inaccoutumées, d'abord entreprises avec ardeur par les enfants, mais devenues bientôt pénibles à leurs jeunes esprits, nous avions fait l'essai de notre boisson qui nous parut de bonne qualité. Le tonneau qui était resté sans mélange reçut le nom de Malaga, parce que le goudron dont je m'étais servi pour enduire l'intérieur du bambou avait communiqué à la liqueur une certaine amertume. Le tonneau parfumé fut appelé par les enfants Muscat de Felsenheim, en mémoire de leur vin favori, le Muscat de Frontignan. Je fis observer à ce sujet qu'il nous était bien permis d'appeler notre paille du foin si cela nous plaisait, tant que nous ne cherchions pas à abuser les autres à cet égard, quoique je ne perdisse pas l'espérance de voir un beau jour notre Muscat faire le voyage d'Europe tout aussi bien que le Madère ou le célèbre vin du Cap. Au reste, je me vis forcé de modérer l'ardeur que mes jeunes compagnons témoignaient pour cette boisson, si je voulais prévenir quelque tumulte inaccoutumé. Voyant que la tannerie nous avait bien réussi, je me tournai avec un nouveau courage du côté de la chapellerie, avec l'intention de commencer par le chapeau de castor que nous avions promis à Franz. Ernest, dites-moi donc, cher père, quelle forme et quelle couleur vous voulez donner à notre premier chapeau afin qu'il devienne un modèle pour l'avenir ? Moi, à dire vrai, il me sera plus facile de le faire rouge que noir, parce que je manque d'éléments pour cette dernière couleur, car nous n'avons ici ni noix de Galles ni vitriol, tandis que la cochenille ne nous manque pas. Ernest, un chapeau rouge ne me déplairait pas, le rouge est une noble couleur. Jack, pour moi j'en voudrais un vert, le vert est la couleur de la nature. Fritz, et moi un gris, c'est une couleur économique. Franz, le blanc vaudrait mieux, c'est la couleur la mieux adaptée au climat où nous vivons. Le blanc repousse les rayons du soleil, tandis que le noir les absorbe. Moi, je crois que je me déciderai pour le rouge. Comme le premier chapeau est destiné à Franz, je veux lui faire une espèce de barrette semblable à celle du fils de Guillaume Tell dans les gravures de la vieille chronique suisse. Ma femme, je vois que personne ne songe à me demander mon avis, dans une matière qui est cependant de la compétence spéciale des femmes. Je vote pour la barrette rouge, elle nous rappellera les souvenirs de notre pays. Tous, oui, oui, une barrette rouge, avec un plumet de plumes d'autruche. Je distribuai immédiatement les rôles pour notre nouvelle opération. Les uns furent chargés de raser les peaux d'Ondatra avec de vieilles lames de couteau. Les autres se mirent en devoir de peigner les fourrures de lapins angora, tandis que ma femme s'occupait de mêler les deux espèces. Quant à moi, j'eus bientôt fabriqué un arçon de chapelier avec une corde de boyaux de requin et plusieurs formes de bois en 2 morceaux d'une certaine hauteur et d'une certaine largeur. Il me fallait encore un instrument pour presser et un autre pour fouler. Ils furent bientôt prêts tous deux et nous ne tardâmes pas à obtenir un feutre léger que nous mîmes en œuvre sur le champ. Je terminai l'opération en plongeant notre ouvrage dans une décoction de cochenille fraîche, délayée avec du vinaigre d'hydromel. Lorsque le feutre me parut suffisamment préparé, je le plaçai enfin sur la forme afin de lui faire passer la nuit dans le four, et le lendemain matin j'avais une barrette suisse du plus beau rouge et du plus brillant poli. Ma femme se chargea d'achever l'ouvrage en y ajoutant une coiffe de soie et une ganse d'or, dans laquelle on plaça un plumet de 4 plumes d'autruche. Alors le chef-d'œuvre fut mis en triomphe sur la tête de Franz, auquel il allait parfaitement.